J'ai longtemps été l'élève modèle, studieuse à l'école, comme à la maison, mes profs disaient, prenez exemple sur elle. Mon frère, lui, jouait au docteur, à la récré, avec Marion, et ils attiraient les voyeurs. Et même à 12 ans, cet âge cruel, et buté toujours, j'entends des raisons, et j'aidais maman à faire la vaisselle. Mon frère, lui, courait la gueuse, bien secondé par sa Marion, qui lui servait de rabatteuse. Quand j'y repense, la paire que nous faisions, lui le morpion et moi la bêcheuse. Quand j'y repense, la paire que nous faisions, lui le morpion et moi la bêcheuse. Oh, l'on s'émancipe, je consacrais 5 ans de réclusion à ma maîtrise sur le complexe d'Oedipe. Mon frère, lui, montait sa boîte de gym et de liposuction avec Marion, toujours à droite. Maintenant assistante de direction, je traîne de réunion en réunion mon tailleur gris et mon pauvre chignon. Mon frère dans tout ça, quoi qu'il fasse, au fond, ça n'est pas mes oignons. Chacun ses rêves, chacun ses grâces. Chacun sa merde, voilà mon opinion. C'est entre toi et ton cul que ça se passe. Chacun sa merde, voilà mon opinion. C'est entre toi et ton cul que ça se passe. Voici enfin l'as de cette vie bonasse où je joue la bécasse à onduler du fion. Mais je renifle les passes à servir des grimaces, à de blême limaces et perdu d'ambition. Bossé dans la paperasse, m'étiolément crasse, j'aspire au grand espace, je fais ma rébellion. Vendre des ananas au pays des madrasses, voilà où est ma place, voilà ma vocation. Je veux partir pour les moites tropiques, sentir le sable sous mes pieds et agacer sur des bois exotiques l'odeur de l'amour et du cocotier. Yeah, yeah. Marde est une blondasse, j'ai soif de mille audaces et de mille transgressions. Dès ce soir je me casse pour la mer des sargasses où l'écorce prélasse comme une invitation à des baisers fugaces. Le premier qui m'embrasse me trouvera salace et prêt à la passion. Une fois brisé la glace, quand il changera de face, je deviendrai loquace sous la domination. Exilé sous les suaves tropiques, vêtu d'un simple paréo, je humerai sur tes peaux exotiques l'odeur de l'amour et du punch coco. S'il est assez tenace, s'il est assez vorace, mon brûlant lovelace, mon torride champion, je prie pour qu'il embrasse, je prie pour qu'il agace de caresses vivaces mon corps en vibration, qu'il ouvre tous mes sas, qu'il libère mes impasses, qu'il porte ma carcasse au point d'ébullition. Et s'il n'est pas coriace, si trop vite il se lasse, qu'un autre le remplace pour d'autres sensations. À la merci des torrides tropiques, vêtu de feuilles de palmiers, je boirai sur des lèvres exotiques l'après-goût de l'amour et du reggae.